Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à French Pod, America. Salut, je m'appelle Amaury. This is an intermediate lesson. We're learning about some hair vocab. C'est correct, oui. But we're also going to learn about how to gossip. Because otherwise, Amaury would be bored. On a une leçon qui est un peu tournée vers les femmes aujourd'hui. Disons-le franchement, Erika. Yeah, but guys are going to learn things too. Bien sûr, tout ce qui intéresse les femmes, quelque part, intéresse les hommes aussi. Of course. Okay, so let's listen to this dialogue. So we have two girls, maybe around the water cooler at the office. Say, ouais. What's one of the things they're going to say? Faire une couleur. So to dye your hair, right? Literally make a color. Voilà, do a ouais. color, but it means like to dye your hair. Ouais. Okay, say it again. Faire une couleur. Donc maintenant, nous sommes prêts à écouter le dialogue. Est-ce que tu as vu la nouvelle coupe de Béatrice ? Oui, si j'avais la même coupe, je n'oserais pas sortir de chez moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fait ? Elle a demandé au coiffeur de lui faire une couleur brune avec des mèches blondes. Mais le coiffeur a voulu être créatif et elle est ressortie avec ça. Oh là là, c'est encore pire que la permanente qu'elle avait faite la dernière fois. Je ne vois qu'une solution. Il faut qu'elle se rase la tête. What mean girls? Ouais, j'imagine qu'elles ont la même conversation tous les jours. Yeah, about Béatrice. Oui, ou bien un peu tout le monde au bureau. So something you would say in this is, oh, est-ce que tu as vu? Mm-hmm. Did you see what? La nouvelle coupe de Béatrice. So, une coupe. Oui, c'est féminin. Uh-huh. Une coupe. And that's like a haircut or hairstyle. Voilà. Une coupe. Mm-hmm. Béatrice, she has une nouvelle coupe. Voilà, donc elle a un nouveau style. That doesn't sound like it's very flattering or going over very big in the office. Non, tout le monde n'apprécie pas. And they make a claim here. Si moi j'avais la même coupe... Eh ben, je n'oserais pas sortir de chez moi. That's not very nice now, is it? Non, pas vraiment. C'est vraiment dur de dire ça. Now, we have an interesting construction in this here sentence. We learn the if-then stuff. Voilà. If I had this, then I would... Voilà, qui est une structure très importante. Right, so a conditional statement. Voilà. If, and there we use the imperfect in this case, si j'avais la même coupe, mm-hmm. then we use the conditional, je n'oserais pas. Mm-hmm. So, an interesting thing about learning French in audio formats is you notice that there's more patterns than it appears on paper. That's true. First of all, both the imperfect and the conditional usually end in A. Like here, j'avais, je n'oserais, except for vous and nous, but for all the other ones. And another thing is in the conditional, you have almost always an R sound, pretty much always. So, j'osais would be the imperfect. Oserais would be the conditional. You have mm-hmm. R sounds. Ouais. So let's do some variations of this sentence. D'accord. And we'll try to use the same verb. Donc, si j'avais de l'argent. Okay. What would you do if you had money? J'achèterais un bateau. A big one, like a yacht or something? Un très grand bateau. Okay. So let's try to use the same word here. Use the verb avoir. Ouais. So you could say, si tu avais de l'argent. Tu aurais un bateau. C'est vrai. Avais, aurais. Voilà. Si tu avais de l'argent, tu aurais un bateau. Well, you think we should do another one? Oui, bien sûr. Let's try with the verb faire. Alors, un exemple serait, si je faisais plus attention à mon corps, je ferais plus de sport. Okay, so if you paid more attention ouais. to your health... Or your physical appearance, you would do more exercise. C'est vrai, j'en aurais besoin. Okay, so there we have the faire. Si je faisais plus attention, je ferais plus de sport. Oui. So, si je faisais, je ferais. Voilà, voilà. Okay. Now we're going to do just one more. Let's go back to the verb that was in the sentence. Oser, to dare. Okay. Mm-hmm. Alors, attention, c'est pour ma mère. N'écoute pas, maman. Okay. Si j'osais faire... Un tatouage. Okay, you don't have a tattoo? Non. You wouldn't dare so far have one? Je n'ai pas osé jusque maintenant. Okay, but si tu osais... Mm-hmm. Je n'oserais pas le montrer, par contre. You wouldn't to anyone? You wouldn't dare show it to anyone? Non, c'est privé. So maybe you do have one. Peut-être, en fait. Okay, so then perfect. Si j'osais to do that, then mm-hmm. je n'oserais pas to do this. Oui. Oser, oserais. Cool. Now, here, this girl is like, psh, si moi j'avais cette coupe-là, je n'oserais pas sortir de chez moi. Ça doit être terrible. Ou bien elle aime juste parler sur sur le dos de Béatrice. So it must be really bad because the girl's like, well, what happened? How did this haircut come about anyways? Et oui, elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé au fait? What's the au fait here for? Bon, on peut le traduire aussi pour by the way. Et le au fait, il peut venir juste après le mais aussi. On peut dire, mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ou, mais qu'est-ce qui s'est passé au fait? Ok. Man, I wish I could see la nouvelle coupe de Béatrice. Let's look really bad. Je suis en train de l'imaginer. So, what did actually happen? Eh bien, Béatrice a demandé à son coiffeur de lui faire une couleur brune. There's a couple things here. Demander à quelqu'un de faire something. Voilà, ça c'est la structure. Mm-hmm. And here, she demandait au coiffeur. Voilà, the au coiffeur. The hairstylist, mm-hmm. Le coiffeur. What if it was a woman hairstylist? À la coiffeuse. De lui faire une couleur. So you faire une couleur à somebody. Voilà, coiffeur fait une couleur à quelqu'un. So that's why elle a demandé au coiffeur de lui faire une couleur. Mm-hmm, voilà. What kind of color? Couleur brune. But she had a vision. So she wanted a little bit more avec. Avec des mèches blondes. So les mèches are highlights. Oui, bah là c'est toi qui le dis, moi je sais pas. Moi, moi je ne sais pas ce que c'est. Pew said, you know, give me some mesh blonde. It means I want some blonde highlight. So she wanted le coiffeur de lui faire une couleur brune avec des mèches blondes, which mm-hmm. sounds like it could look nice, mais... Le coiffeur a voulu être créatif. To be a little creative. Voilà, un autre adjectif serait imaginatif. Et elle est ressortie avec ça. So there we say ressortir because it's like she came back out. Mm-hmm, she ouais. walked in and then she came back out. Elle est ressortie avec ça. And the reaction to that was, oh là là. C'est encore pire que la permanente qu'elle avait faite la dernière fois. Poor Beatrice. Her hair is the source of constant water cooler conversations, apparently, right? Voilà, mais pas la première occasion. So, one thing here, c'est encore pire que. It's how you say it's even worse. Voilà. Just like in non. English, actually. You can't say it's more worse. In French, it's the same way you say c'est encore pire. C'est encore pire, oui. This nouvelle coupe de Béatrice, c'est encore pire que la permanence. The permanence. So that's an easy one, huh? So la permanente. Qu'elle avait faite la dernière fois. So this girl, elle ne voit qu'une solution. What is it? Il faut qu'elle se rase la tête. Elles sont médisantes. Yeah, she's not very nice. Now, il faut que... It uses a subjonctif. But here, it's, you can't really hear it because it's the ER verb, so don't worry about it. Mm-hmm. Se raser is to shave. Elle se rase la tête. Oui. Amory, tu te rases la tête, non? Je me rase la tête tous les deux jours. Et oui. Well, that's a lot. It sounds like it's a lot of work. Every 2 days, you say, il faut que je me rase la tête. Voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. Et maintenant, nous écoutons le dialogue à nouveau. Est-ce que tu as vu la nouvelle coupe de Béatrice? Oui, si j'avais la même coupe, je n'oserais pas sortir de chez moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fait? Elle a demandé au coiffeur de lui faire une couleur brune avec des mèches blondes. Mais le coiffeur a voulu être créatif et elle est ressortie avec ça. Oh là là, c'est encore pire que la permanente qu'elle avait faite la dernière fois. Je ne vois qu'une solution. Il faut qu'elle se rase la tête. You don't want to know something, Amory. I think that if she really did se raser la tête, ouais. These girls diraient, tu as vu que Béatrice s'est rasé la tête? And they'd have the same conversation. Tu as raison, à mon avis. Elle ferait des mêmes commentaires. So let's talk a little bit about hair vocab. I know this is tough for you, Amory. Super. It's your favorite topic. Ouais, mais bon. Allons-y. You see, you're lucky that tu te rases la tête every day because you don't have to deal with all this stuff, right? Okay, so first of all, to dye hair. Mm-hmm. Faire une couleur. Le coiffeur faire une couleur à quelqu'un. Oui. Then you say, like, you know, I need to dye my hair. J'ai besoin de me faire une couleur. You have to add that me there. Oui, parce que c'est la structure A. quelqu'un, donc à moi, si on se la fait à soi-même. Ok. So, le coiffeur is the hairstylist. Oui, alors on dit bien aller chez le coiffeur. Ok. Ça, c'est important. So, je vais chez le coiffeur pour me faire... une couleur. Ok. Now, there's also another word. Qui est le mot coiffure. And what's that? Une coiffure, c'est une coupe de cheveux. Ok. It's like a synonym of coupe de cheveux. Voilà. So, the pronunciation, what's the difference between that and a hairstylist? Donc, on a coiffeur. And that's a hairstylist. Et puis, coiffure. Coiffure. And that's a haircut. Voilà. Une coupe. Voilà. Donc, pour l'employé, on dirait « je vais chez le coiffeur okay. pour me faire une couleur et ensuite j'aurai une nouvelle coiffure ». Bon, moi, ça fait 8 ans que je ne suis pas allé chez le coiffeur, donc... ok. All right, well, if you have any questions about this lesson, come to frenchpod.com. Et n'oubliez pas la section des exercices qui est disponible pour vous. There's all kinds of things there, so come check it out. Ouais, merci pour cette leçon. Ok, so au revoir. Salut.